Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce journal du 1er juillet dont voici les grands titres. Célébration ce 1er juillet 2016 dans tout le pays du 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Dans son discours à la nation de ce jeudi, le président burundais a souligné que le pays connaît des difficultés, notamment la corruption, les malversations économiques, la pression démographique galopante, le trafic humain et autres. Le président du parti Sahwanya Frodebu, de son côté, estime que les progrès initiés par le héros de l'indépendance n'ont pas évolué à l'ONELOP. L'on estime que le colonisateur a gardé une main au Burundi. Hausse du prix d'un kilo de sucre, il passe de 1750 à 1900, selon un communiqué du ministère du Commerce sorti ce jeudi. Le même communiqué précise encore que le sucre est disponible dans toutes les alimentations de la mairie et de Bujumbura. Dans ce journal également, on parlera de la drépanocytose, qui est une maladie très grave présente au Burundi, mais sans médicaments ou centre de dépistage. Des inquiétudes se levaient ce jeudi lors de la célébration de la journée dédiée à cette maladie. Dans la chronique environnement de ce vendredi, on parlera du lit de la rivière Narangwa qui continue à s'enfoncer, à s'agrandir de part et d'autre des rives. Un expert en aménagement du territoire nous en parlera dans ce journal mis en onde par Albert Ndouayo à la présentation. Mihaye Kanyange, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le Burundi connaît toujours des difficultés malgré son indépendance. Cela ressort du discours à la nation du président de la République ce jeudi à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Certaines de ces difficultés sont liées à la surpopulation et à la diminution des aides extérieures, mais il rappelle que le développement du pays dépend de son peuple. Suivez le président burundais Pierre Nkurunziza, traduit en français par Placide Niyomungere. C'est vrai, nous sommes indépendants et nous vivons un régime démocratique, mais nous connaissons encore des difficultés. Même s'il y a une amélioration au cours de cette année-ci, il y a une faible production, la surpopulation, la corruption et les malversations économiques, la dégradation de la discipline dans les écoles, le chômage, la paresse, le non-respect des heures de travail, le commerce illégal, la diminution des aides extérieures et d'autres. Tenez, le développement du pays dépend de son peuple et de l'extérieur n'est qu'un complément seulement. Dans son discours à la nation, le numéro 1 burundais appelle la communauté internationale à respecter la souveraineté nationale. Pierre Nkurunziza indique également que le Burundi est en bon terme avec les pays voisins et préconise le respect mutuel en tant que pays indépendant. Suivez encore une fois le numéro 1 burundais, traduit encore une fois en français par Placide Niyomungere. Nous lançons un appel vibrant à nos confrères burundais qui vont de part et d'autre à travers le monde en demandant des sanctions envers leur chère patrie, le Burundi, de se ressaisir et de faire un examen de conscience afin de regagner leur chère patrie. Nous demandons également à toutes les forces de sécurité et à tout Burundais en particulier à continuer à combattre toute forme d'actes de terrorisme et de violence. À la communauté internationale et aux autres États, nous leur demandons à respecter et continuer à consolider la souveraineté du Burundi. Nous nous réjouissons que le Burundi est en bon terme avec les pays voisins et même d'autres pays. Ce qui est plus important, c'est le respect mutuel en tant que pays indépendant et vivre en harmonie étant complémentaire. C'était le président burundais dans un discours à la nation de ce jeudi. À célébration également de cette journée du 54e anniversaire de l'indépendance en province Ngozi, le gouverneur de cette province appelle les habitants de cette province à sauvegarder cette indépendance acquise. Des cérémonies qui se déroulent sans la participation d'une délégation rwandaise, contrairement aux années passées, nous dit Apollinaire Muzagara. Les cérémonies marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi ont vu la participation d'une foule immense dont presque tous les fonctionnaires des différents services d'Ngozi, comme ordonné par l'administration provinciale. Parmi les participants figurent également beaucoup d'associations agro-pastorales en uniforme et des autres secteurs, sans oublier des militaires et polices. Albert Ndoui Mahana, gouverneur de la province d'Ngozi, dans son discours, appelle la population de cette province à prendre le devant dans la sauvegarde de cette indépendance, soulignant que ces jours-ci, il y en a qui veulent que le Burundi retourne à la période coloniale. Les festivités de cette 54e anniversaire n'ont pas vu la participation d'une délégation rwandaise comme à la coupe ces dernières années, où les responsables administratifs, militaires, policiers et judiciaires de la province du Rwanda y prenaient part, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, justement à cause du climat malsain qui règne entre les deux pays. Et pour rappel, près de 3000 Burundais des provinces du nord du Burundi, dont Ngozi, ont été refoulés dernièrement par le Rwanda suite à cette détérioration des relations. Il faudrait que cette fête de l'indépendance du Burundi se déroule au niveau communal et le stade d'Agasaka Inarunyonga, situé tout près du gouvernorat, a abrité les cérémonies de la commune Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire à Muzagara. Cette journée a été également célébrée en province Gitega, une célébration qui arrive au moment où les Burundais se trouvent dans une misère sans nom à cause de la situation politique actuelle du pays. Cette population demande aux politiciens burundais de s'asseoir ensemble et dialoguer afin de trouver une solution aux problèmes que connaît le pays. Une information que nous devons à Arthur Kavabouche, notre correspondant en province Gitega. Et le parti Sawanya Frodebu considère que le pays n'a pas connu des avancées politiques durant ses 54 ans d'indépendance. Le président de ce parti déplore qu'il subsiste des divisions au sein du peuple burundais. Pour les renseignants d'Akumana, les projets du progrès initiés par le héros de l'indépendance n'ont pas évolué. Suivez les renseignants d'Akumana, joint au téléphone par Robin Nyonguru. L'indépendance du Burundi et des Burundais est partie avec le prince Louis Rwagasore parce que après lui, il y a eu beaucoup de divisions du peuple burundais, il y a eu beaucoup de souffrances. Aujourd'hui, c'est un drame, c'est ce qui se passe dans ce pays. Tout ce qu'il préconisait pour être indépendant, aujourd'hui, ce ne sont que des ruines. Regardez, il disait que notre pays qui était géré par le pouvoir colonial revenait aux mains des Burundais. Il disait qu'il faut à tout prix combattre toutes les formes de division, toutes les formes de violence, toutes les formes de corruption, toutes les formes de pratiques de détournement des deniers publics, des malversations économiques et financières. Mais le garder 54 ans après, c'est un drame, c'est une catastrophe pour ce pays. Il faut plutôt parler, de se rappeler qu'il y a 54 ans, nous étions supposés devenir indépendants. La grande majorité des Burundais sont devenus comme des mendiants, je le vois. Il n'y a pas moyen de dire que nous sommes indépendants. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'interpelle tous les Burundais à se mobiliser dès aujourd'hui pour que nous puissions retrouver cette indépendance que le prince Louis Rwagasore voulait, afin de construire un état de droit au Burundi, de construire un état démocratique, une société juste et équitable où il n'y a aucune exclusion, où chaque citoyen se sent libre. Une société qui protège tous les Burundais et que les Burundais s'engagent tous à la protéger. Et pour l'Observatoire national pour les élections ONELOP, une association de la société civile, les Burundais n'ont pas bénéficié des acquis de l'indépendance. Gilbert Belkonjangwa affirme qu'il y a certains Burundais qui sont restés à la merci des Occidentaux en les utilisant comme moyen de pression pour freiner la démocratie. Suivez Gilbert Belkonjangwa, président de l'ONELOP. Après la mort du prince Louis Rwagasore, le Burundi a connu une grande crise politico-socio-sécuritaire. Le Burundi et les Burundais n'ont pas pu bénéficier des acquis de l'indépendance. Pourquoi ? Parce que les dirigeants qui ont pris la responsabilité nationale après la mort du prince Louis Rwagasore n'ont pas sauvegardé l'indépendance nationale comme il faut. Ils ont été à la merci des Occidentaux. Les uns ont pratiqué une politique de clientélisme. Et vous avez même remarqué qu'un groupe de gens qui avaient toujours des partenariats avec les Occidentaux n'ont pas voulu que la démocratie s'installe depuis l'époque du prince Louis Rwagasore jusqu'aujourd'hui. Il y a un groupe de gens qui cherchent toujours à déstabiliser la démocratie, la sécurité, la bonne gouvernance, la cohésion sociale, l'unité nationale. Aujourd'hui, L'indépendance est en train d'être sauvegardée par son excellence, le président de la République, qui a accepté le sacrifice. En tout cas, les politiciens doivent changer de mentalité et comprendre que le Burundi appartient au Burundi et profiter catégoriquement de tenir l'image du Burundi à l'étranger. C'est comme ça qu'on peut sauvegarder l'indépendance nationale. Gilbert Bekonjangwa, c'est le président de l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès. On est là, peu et vous saurez. Kamari de Bujumbura, les festivités ont été rehaussées par la présence du numéro 1 burundais. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page économie à 13h07 dans notre studio. Hausse du prix d'un kilogramme du sucre. Il passe de 1750 à 1900 selon un communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Sorti ce 30 juin, cette hausse souligne le communiqué et due à l'augmentation du coût de production de ce produit. Les grossistes et les détaillants sont priés de respecter les prix fixés, faute de quoi ils s'exposeront à des sanctions. D'après toujours ce communiqué, cette mesure ne vise que la bonne marche de la société sucrière de Mosso Sosumo et la protection des intérêts du consommateur. Le ministre du Commerce informe enfin que le sucre est disponible à 1900 dans toutes les alimentations à mairie de Bujumbura et que les quotas destinés aux différentes provinces du pays vont bientôt être distribués. Renchérit ce communiqué du ministère de l'Industrie. Toutes les maisons construites anarchiquement et en violation de la loi doivent être démolies dans l'immédiat. Cette déclaration a été faite ce jeudi lors des questions orales au Sénat adressées au ministre ayant l'aménagement du territoire et de l'urbanisme dans ses attributions et celui de l'intérieur. Les sénateurs ont indiqué que le constat est que les personnes qui se disent soutenues par des hautes autorités du pays continuent à enfreindre la loi, un comportement qui doit être banni à jamais. Les détails avec Francine Dehokugai. Les questions orales au Sénat, adressées ce jeudi au ministre de l'Environnement et celui de l'Intérieur, tournées autour de l'exploitation anarchique des rivières, l'attribution des parcelles, ainsi que la problématique de la salubrité en mairie de Bujumbura. Les sénateurs sont beaucoup revenus sur la question qui concerne l'attribution des parcelles. Ils ont demandé au ministre de l'Environnement pourquoi des sanctions n'étaient pas encore prises à l'endroit de ceux qui érigent des maisons dans des espaces défendus. Décidés de détruire ces maisons n'est pas facile vu la situation de crise que traverse le pays depuis les élections, a répondu le ministre Emmanuel Niyonkuru. Au début de l'année 2015, ils ont pris la décision d'aller démolir ces maisons, mais en analysant la situation, nous avons trouvé qu'il est impossible de les démolir avant la période préélectorale et après leur demander de venir dans les élections. Les élections sont terminées. Aujourd'hui, vais-je conseiller au président de la République de me permettre à démolir ces maisons au moment où les Européens ont bloqué leur aide ou en cette période où nous sommes en plein dialogue? Mais cette explication n'a pas du tout convaincu les sénateurs qui trouvent que la loi devrait être suivie à la lettre pour éviter que certaines personnes en fassent une mauvaise habitude. Il y aura toujours des élections. Est-ce que nous allons laisser ces maisons comme ça sans les démolir? Parce que si on ne les démolit pas, les autres vont continuer à les construire. Ces maisons qu'on construit pendant la nuit ou qui sont construites en présence des forces de l'ordre, ils le font parce que les autres ne sont pas sanctionnés. À travers vos réponses, je sens vos inquiétudes sur les décisions que vous aurez à prendre. Il ne va rien se passer. La loi joue le rôle d'intermédiaire entre le peuple et un ministre ou toute autre autorité. Vous ne faites que lire la loi et la mettre en application. Un citoyen n'aura pas à se lamenter pour cause d'une sanction juste. Par contre, si vous ne le sanctionnez pas, la faute revient vers vous. On a été élu par le peuple, on doit parler en leur nom. Ceux qui ne respectent pas la loi sont autour de 2% de la population et ils provoquent du désordre dans le pays sous prétexte qu'ils ont de l'argent ou une fonction quelconque. On doit les combattre et les contraindre à respecter la loi. Mais aussi, si on trouve qu'un responsable a donné une autorisation illégale de construire, il devra répondre de ses actes. Comment quelqu'un peut-il donner une autorisation de bâtir comme il veut ou octroyer une parcelle dans un espace vert? Si vous-même vous l'avez fait, on commence par vous. Les sénateurs ont promis à ces ministres de les soutenir dans la correction de ces violations de la loi. En page santé, il n'y a pas de centre pour dépistage de la drépanocytose, les médicaments encore moins, et pourtant, c'est une maladie présente au Burundi. Telles sont les inquiétudes du pédiatre Jocelyne Gahimbade à l'occasion de la célébration ce jeudi de la journée internationale dédiée à cette maladie. Christine Ndaishimiye, une mère d'un enfant atteint de la drépanocytose, indique que c'est une maladie très grave et plaide pour la disponibilisation des médicaments et des centres de dépistage. Joseph Nsabiabandi nous fait le point. La drépanocytose est une maladie qui touche essentiellement des enfants, des adolescents et des femmes enceintes. Christine Ndaishimiye, une mère d'un enfant atteint de cette maladie, témoigne que la drépanocytose est une mauvaise maladie qui ne guérit pas. Après les 9 mois, c'est le docteur Batwenga qui m'a conseillé d'aller faire les examens de labo juste pour tester de quoi il s'agit, puisque l'enfant connaissait chaque fois des douleurs à gauche à droite, et il a trouvé que cet enfant est atteint de la drépanocytose. Au cours de sa croissance, elle connaît chaque fois des douleurs qui l'embêtent chaque jour, et surtout quand elle fait beaucoup d'activités, soit ménagères ou bien quand elle a étudié beaucoup. Toute chose qui lui demande l'énergie, bien l'effort physique extraordinaire, lui amène directement dans la crise. Ce n'est pas facile de gérer de tels enfants. La pédiatre Joseline Gahimbare reconnaît l'existence de la dite maladie sur le sol burundais. Cependant, elle déplore qu'il n'existe pas d'institution de dépistage et que les médicaments ne sont pas commercialisés. Malheureusement, au Burundi, il n'y a pas de centre de dépistage. On ne peut pas dépister cette maladie. Même nous, les praticiens, on se fie seulement aux cliniques des complications, parce qu'on n'a pas de réactif pour faire le dépistage de cette maladie-là. Les médicaments, on n'a pas assez de médicaments pour cette maladie. Aussi longtemps qu'on ne saura pas dépister cette maladie, on ne saura pas comment la prévenir, on ne saura pas comment la traiter. Côté gouvernement, le ministre de la Santé, Dr Josiane Gahimbare, interpelle l'hôpital Roi Khaled à reprendre le dépistage de la drépanocytose, un service qui n'existe plus il y a bien des années. Ce que nous envisageons faire, c'est inviter le centre hospitalo-universitaire de disponibiliser encore une fois les réactifs pour pouvoir faire le test des mères tel que c'était avant. C'est une rupture de stock que nous invitons le centre hospitalo-universitaire à mettre fin. C'est une maladie qui peut être prise en charge comme les autres. Seulement, on invite les médecins pédiatres qui ont fondé une association pour traiter les drépanocytaires de faire une sensibilisation des prestataires, de faire une sensibilisation auprès surtout des médecins, également des infirmiers, surtout dans le service de pédiatrie, surtout dans le service de maternité, pour qu'on puisse faire un renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge. La drépanocytose est une maladie génétique. Elle se transmet des parents à l'enfant et ne guérit pas. Merci à Joseph. Sabiabandé, en page sécurité, des feux d'origine criminelle se sont fait remarquer dans la réserve naturelle de la Rukoko ce jeudi. Une grande partie de la superficie incendiée est faite de champs de canne à sucre de la société Tanganyika Business Company, selon les personnes qui s'y sont rendues ce vendredi matin. La correspondance est de Spes Caritas Kabanyana. C'est depuis ce jeudi matin que des feux d'origine non encore connus se sont fait remarquer à la 7e transversale de la réserve naturelle de la Rukoko, juste à côté des champs de canne à sucre de la société Tanganyika Business Company. La superficie qui est partie en fumée n'est pas encore bien connue selon les administratifs, ce qui est également confirmé par les gens chargés de la protection de cette réserve. Mais les gens qui s'y sont rendus ce vendredi matin nous ont signalé que c'est plusieurs hectares constitués en grande partie par les champs de canne à sucre de la société Tanganyika Business Company. Le porte-parole de cette société indique quant à lui que ces faits sont d'origine criminelle et qu'une bonne partie qui n'est pas encore mesurée est partie en fumée. Il ajoute cependant que la société n'a enregistré aucune perte puisqu'elle finirait elle-même à détruire ces cannes à sucre qui étaient déjà en mauvais état. Spécialitas Kavanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kavanyana pour ce reportage à 13h16. Ce journal se poursuit dans le but d'éveiller la conscience de la jeunesse sur l'amour de la patrie durant les vacances. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique a organisé ce jeudi une rencontre avec tous les conseils socioculturels de toutes les provinces du pays. Le directeur général de l'administration du territoire a indiqué que les jeunes tireront de cette formation des leçons importantes. Suivez Terence Mbonabucha qui conseille les élèves de respecter les symboles de la République. Ces corps ont été réunis par le ministère de l'Intérieur de la Formation patriotique, justement dans le cadre du programme de formation patriotique, parce que c'est un programme qui intègre toutes les composantes de la population burundaise. Alors aujourd'hui, on s'est réunis pour essayer d'avoir une vision commune sur les activités à organiser durant les grandes vacances scolaires, à l'endroit de la jeunesse scolarisée qui sera en vacances, et même de la jeunesse déscolarisée, pour qu'ensemble, ils puissent contribuer à la mise en œuvre du programme de formation patriotique au niveau de ces dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles. Ces activités vont bientôt commencer alors qu'il y a des élèves incarcérés accusés de gribouiller la photo du président de la République. Que comptez-vous faire pour que ces élèves bénéficient eux aussi de cette formation? Bon, pour ces élèves qui ont gribouillé la photo du président de la République, eh bien, les dispositions du code pénal s'appliquent. Et dire qu'on va organiser une formation patriotique à leur endroit alors qu'ils sont incarcérés, d'abord, ils ne sont pas très nombreux pour qu'on puisse prévoit une formation à leur égard. On dit en français, vaut mieux prévenir que guérir. Nous disons que dans le cadre du respect des symboles de la République, les jeunes qui seront dans les activités auront l'occasion d'être informés sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter quand on est en présence d'un symbole de la République. Terence Mbonabucha, c'est le directeur général de l'administration du territoire. Juste après quelques secondes, vous suivrez la chronique environnement où nous allons parler du lit de la rivière Narangwa. Radio Isanganiro, chronique. Eh bien, le lit de la rivière Narangwa s'enfonce et s'agrandit de part et d'autre des rives du côté des quartiers de Mutanga Nord et Sud, Kigobe, Nyakabiga et autres. Les conséquences sont notamment la destruction des maisons, des routes et d'autres infrastructures. Le professeur Bernard Sindayihebura, un expert en aménagement du territoire et enseignant à l'Université du Burundi, il explique qu'à l'origine de cette situation se trouve essentiellement la croissance démographique et le non-aménagement attend de telles rivières. Les précisions, c'est dans cette chronique environnement que nous présente Léonce Vitalio. L'étape franchie par la rivière Narangwa dans l'approfondissement de son lit et son élargissement inquiète, mais malheureusement, c'est à cause de nous les humains. C'est du moins l'avis de Bernard Sindayihebura, expert en aménagement du territoire et enseignant à l'Université du Burundi. Il explique que jusque dans les années 80, le bétail et les humains pouvaient traverser librement la rivière. Jusque dans les années 1980, donc les troupeaux de vaches pouvaient traverser Mugoboka et aller à Mutanga Nord. Mais actuellement, même une personne, même je ne sais pas, personne ne peut traverser directement la rivière parce que la hauteur actuellement des éboulis, ou même ce qu'on appelle les talis, avoisine ou même peut dépasser actuellement 30 mètres. Et dans certains endroits, on a ce qu'on appelle un canyon, c'est-à-dire là où la rivière s'est retrécie, où on a une largeur de 1 mètre, mais a creusé profondément. J'ai observé qu'il y a un phénomène d'approfondissement et un phénomène aussi de ce qu'on appelle la migration. Migration sur la rive gauche et la migration aussi également sur la rive droite. Cela a été aggravé par les travaux d'extraction des gens qui exploitent ce qu'on appelle les granilats ou les matériaux de construction de la rivière Narangwa. La croissance démographique est parmi les principales causes de l'agrandissement et l'approfondissement de cette rivière, comme le dit encore cet enseignant d'université. L'eau des pluies qui se déverse dans la Narangwa envahit vite les collines qui sont devenues dénudées par l'être humain. Comme vous le savez, la population burundaise double tous les 30 ans. Et actuellement, à titre de rappel, donc dans les années 50, les montagnes qui se plombent la ville de Bujumbura étaient couvertes par la forêt ou bien soit par une savane très arborée et même très dense, qui favorisait la filtration de l'eau. L'eau maintenant qui tombe sur les versants en provenance de la région de Mugamba, en passant par la région de Mirwa, dévore ces collines avec une très grande vitesse et puis après devient à l'origine du sécrètement des lits de la rivière et puis de l'élargissement aussi également. Si maintenant le quartier de Kigowe est affecté actuellement et qu'il y a des biens qui sont détruits et qu'il y a beaucoup de maisons aussi également qui sont menacées, cela est lié à quoi? À la vitesse et à l'agressivité de la rivière Nahangwa. Parmi les voies de solution que propose l'expert Sina Yeboura pour maîtriser la force des eaux de la Nahangwa et les conséquences y relatives, il y a la limitation des naissances, mais aussi la canalisation de cette rivière. Lorsqu'il pleut par exemple donc dans la région de Mirwa, la rivière donc peut déborder et puis aussi abîmer tout ce qu'il fait tout le temps. Donc la première solution tout d'abord serait tout d'abord de limiter les naissances, en essayant tout d'abord de trouver les prairies, de trouver les terres qui sont cultivables, pourquoi pas de reboiser donc les terres, et puis ce qui augmenterait alors le temps de l'infiltration, et dans ce cas-là, ces rivières ne deviendront plus agressives. La deuxième solution qui est technique, mais qui demande effectivement beaucoup de moyens, le gouvernement peut toucher donc les bailleurs de fonds pour nous aider, c'est de canaliser en premier lieu donc la rivière. En essayant de segmenter tout le long de la rivière, même en commençant sur les tronçons les plus dangereux, en essayant de mettre ce qu'on appelle les ouvrages de protection, en protégeant aussi donc les zones où on enregistre beaucoup de glissements. Bernard Sina Yeboura trouve urgente la canalisation de la rivière Nahangwa en vue de protéger les biens et les personnes en détresse pour ne pas risquer de payer plus cher, ce que le gouvernement devait avoir fait longtemps avant. C'est ce qu'il appelle le coût de l'inaction. Merci à Léonce Vitalio pour cette chronique environnement. Ainsi se referme ce journal. Mais je vous rappelle les principales informations à la une. C'est la célébration ce vendredi du 1er juillet, célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Dans son discours à la nation de ce jeudi, le président burundais a affirmé que le pays connaît des difficultés, notamment la corruption, les malversations économiques, la pression démographique galopante, le trafic humain et autres. Dans ce journal également, nous vous avons parlé de la hausse du prix d'un kilo de sucre qui passe de 1750 à 1900 francs le kilo. Selon un communiqué du ministère du Commerce sorti ce jeudi, il précise que le sucre est disponible dans toutes les alimentations de la mairie de Bujumbura. Et voilà, merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Albert Ndouaille pour la collaboration technique. Très bonne fête à tous. Au revoir.